Pour préparer un poulet à la provençale, d'abord, faites dorer le poulet dans une cocotte avec de l'huile. Ajoutez les oignons, un peu d'ail et des courgettes coupées en morceaux. Salez et poivrez. Versez la sauce tomate et le vin blanc. Laissez cuire une heure et servez chaud.